Chapitre 9e, Excursion dans l'Ogowai. J'ai déjà raconté qu'en 1862, des traités contractés avec les chefs du Cap Lopez avaient rangé ce point sous notre domination. Il se trouve situé dans le delta formé par l'écartement des bouches de l'Ogowai, fleuve alors à peu près inconnu. Le Nazaré, sa branche nord de déversement, devenait donc français. Monsieur l'amiral Didlot, qui commandait alors en chef nos établissements de la côte d'Afrique, voulut y montrer notre pavillon et faire une rapide exploration de l'Ogowai et des voies de communication qui pouvaient exister entre ce fleuve et les affluents du Gabon. Il confia ce soin à monsieur le lieutenant de vaisseau Serval, capitaine du pionnier, et à moi. Le 18 juillet, c'est-à-dire en pleine saison sèche, nous entrions dans la rivière Nazaré. Mais elle avait baissé de 2 mètres environ depuis la fin des pluies. Elle baissait encore, et malgré son faible tirant d'eau, dès le lendemain, le pionnier s'échoua sur un banc de sable à 60 000 environ de l'entrée. L'expédition s'annonçait donc sous d'assez mauvais auspices. Nous n'étions plus alors dans le Nazaré, mais dans l'Ogowai lui-même, qui, étalé sur une vaste surface, nous offrait une magnifique perspective. Au palétuvier avaient succédé des pandanus et des yuccas, puis une grande quantité de palmiers à huile et d'enimba, et enfin la riche végétation des forêts du Gabon. Mais au milieu de ce beau panorama, la navigation devenait difficile. Des îles et des bancs de sable commençaient à obstruer le cours du fleuve, et celui sur lequel le pionnier vint s'échouer ne faisait qu'annoncer des obstacles plus sérieux. En effet, après avoir réussi le lendemain à atteindre le village de Dombo, à 16 000 environ de notre premier échouage, il devint évident pour M. Serval qu'il ne pouvait tenter d'aller plus loin sans s'exposer à voir son navire emprisonné jusqu'au retour des pluies. Il fallut donc continuer notre route en pirogue, moyen d'exploration pénible, plein de lenteur, et qui nous mettait à la merci de populations dont nous ne tardâmes pas à constater les sentiments hostiles. Le village de Dombo était heureusement bien disposé pour les Européens. Son chef, Ngowa Akaga, nous accueillit avec cordialité, nous en fit avec bonhomie les honneurs, et le soir vint visiter le Watanga, c'est-à-dire le grand navire des Blancs. Il se montra modéré dans ses étonnements et réservé dans ses expressions laudatives, ce qui était de sa part une véritable discrétion, car la louange est souvent chez le noir le langage de la convoitise. Il mit à notre disposition une de ses plus grandes pirogues avec 2 hommes de son village, et le lendemain nous partîmes, M. Serval et moi, n'emmenant avec nous que quelques matelots noirs. Le pionnier rebroussa chemin pour aller nous attendre dans des eaux plus profondes. Je ne veux pas relater tous les incidents de ce voyage fatigant qui ne dura qu'une 20aine de jours, il est vrai, mais sans aucun repos. Nous partions le matin de très bonne heure. Nous nous arrêtions dans quelques villages pendant la plus forte chaleur de la journée, pour repartir immédiatement après et aller passer la nuit dans un village plus éloigné. Notre apparition avait mis la rivière en émoi. Poussés par la curiosité, alléchés par l'espoir de quelques cadeaux, tous les chefs voulaient nous voir et nous eûmes bientôt la preuve qu'il était peu prudent de les contrarier. Nous venions de dépasser, sans le voir, le village important d'Arumbe, et nous nous étions arrêtés pour donner du repos à nos hommes, quand arrivèrent 12 de pirogues pleines de gens armés. Ils venaient nous inviter à retourner sur nos pas, et au besoin tenter de nous y contraindre. Quelques instants après, arrivaient du côté opposé les pirogues d'un village que nous ne devions pas tarder à atteindre et qui venait au-devant de nous. Il y eut grand palabre entre les 2 troupes, et nous pûmes croire un instant que ce débat à main armée allait devenir sérieux. Enfin, tout se calma. Arumbe se passa de notre visite, qui lui fut annoncée pour notre retour seulement. Mais ces gens s'en allèrent, rancune tenante, et il fut clairement établi qu'à moins de nous créer chaque jour de nouveaux embarras, il fallait descendre à tous les villages importants. Nous avons ainsi visité successivement Gambie, Achanka, Igané, habités par des populations originaires de la côte, et venues évidemment par l'embouchure méridionale, tandis que celles de Dombo et d'Arumbe, que nous avions rencontrées jusque-là sur la rive droite, avaient des relations de parenté manifestes avec les Gabonais, et avait dû remonter le fleuve par sa branche nord, la rivière Nazaré. Puis nous nous trouvâmes au milieu de la race galloise, la plus importante peut-être de l'Ogowai, et qui se croit et paraît être en effet différente des autres, tout en parlant à peu près la même langue. Je profitais de ces moments d'arrêt pour explorer les environs, et partout je retrouvais les mêmes cultures qu'au Gabon. Je vis aussi quelques beaux plants de tabac cultivés comme plantes d'ornement, dont les habitants ne savent pas tirer parti. Il leur vient du Congo. Je ne pouvais faire ces recherches que pendant nos relâches dans les villages, c'est-à-dire au moment le plus chaud de la journée. Il me fut moins facile encore de m'occuper du règne animal, car on ne peut guère chasser à pareille heure. Il me fut donc impossible de me procurer quelques animaux intéressants qui sont propres au pays, et particulièrement un fourmilier géant que M. le docteur Touchard a signalé comme un animal nouveau. Ce que je pouvais voir de la constitution du terrain était aussi très restreint, dans un pays où le sol est à peine gratté pour quelques rares cultures, et où les roches qui se montrent à la surface sont partout recouvertes d'un épais manteau de végétation. La diminution des eaux laissait heureusement à nu les berges du fleuve. La constitution de cette tranchée naturelle, qui est à peu près uniforme dans une très grande étendue, permet de conclure à la structure même du pays, ou du moins de son écorce. Partout, en dehors des plaines marécageuses, ces berges se montrent sous l'aspect d'une couche épaisse de sable argileux plus ou moins compacte, d'une couleur ocreuse, dans laquelle sont empâtés de gros rognons ferrugineux mamelonnés à la surface, celluleux à l'intérieur, et dont la consistance varie depuis la friabilité la plus grande jusqu'à la dureté métallique. Souvent, il s'y mêle des fragments de porphyre rouge ou de quartz. Parfois, l'argile change d'aspect, devient plus fine, plus blanche et passe à l'état de marne. Dans les points où la rive s'élève, ce sont des calcaires coquilliers qui en font la base ou bien des argiles compactes peuplées d'ammonites. Les habitants ne connaissent aucun minerai, pas même ceux de fer. Les armes ou les instruments qu'ils possèdent leur sont livrés par le commerce européen, par l'intermédiaire des traitants de la côte, ou bien leur viennent d'une population plus éloignée, celle des Acheba, qui connaît comme les Paouins l'art de travailler le fer. Les bancs de sable de la rivière nous offrirent un fait singulier. Tous sont creusés d'excavations circulaires d'une parfaite régularité, mesurant 1,20 m de diamètre et environ 50 cm de profondeur. Ces espèces de cuvettes, dont la plupart étaient alors exposées à l'air par suite du retrait des eaux, sont l'œuvre d'un poisson très commun, le condo, qui les creuse avec son museau corné pour y pondre ses œufs, en adoptant pour l'agencement général la disposition exactement quinconciale. Nous nous proposions de remonter l'Ogowai jusqu'au point où il est formé par la réunion de deux rivières, le Kanda et le Ngunyai. Nous espérions y rencontrer des populations nouvelles, les Eninka, qui semblent avoir des relations directes avec les affluents du Gabon, et peut-être les Osheba, qui paraissent ressembler beaucoup aux Fanpaoua. Malheureusement, les renseignements que nous recueillions à ce sujet variaient à chaque instant, et le but semblait fuir devant nous. En même temps, l'accueil que nous recevions indiquait chaque jour plus de mauvaise volonté, et les objets que contenait notre pirogue ou que nous portions nous-mêmes excitaient de plus en plus l'envie. À Arumba, des discussions eurent lieu pendant la nuit entre les gens du village, et la conclusion surprise par nos interprètes fut qu'on était passé fort pour nous dévaliser, mais que puisque le grand village de Bombolier, où nous devions arriver le lendemain, était prêt et nous attendait, ce qu'il y avait de mieux à faire était de nous suivre en pirogue pour prendre part au pillage. Le résultat d'une pareille attaque n'était malheureusement pas douteux. Pendant le jour, elle n'eût pas été sans danger pour les agresseurs, mais pendant la nuit, rien n'était plus aisé. Il était inutile de nous jeter dans d'aussi graves difficultés pour un résultat géographique incertain. Nous nous rabattîmes donc sur le lac Eliba ou Jonanga, que nous avions laissé sur notre droite sans l'explorer. Ses habitants ne méritaient pas, à vrai dire, beaucoup plus de confiance. Mais cette exploration était nécessaire et nous offrit du reste une ample compensation. Bien des raisons nous y invitaient. Les riverains de l'Ogowai, les Galois surtout, n'avaient cessé de nous vanter l'étendue et la beauté de ce lac. Enfin, et par-dessus tout, c'était pour eux un lac mystérieux, le sanctuaire de leur religion. On y était témoin, disaient-ils, d'apparitions extraordinaires. On y voyait flotter dans les nuages les grands navires des Blancs qui passaient au Cap Lopez, c'est-à-dire à plus de 120 000 de là. Des génies puissants et jaloux y habitaient, et si un profane osait s'approcher des îles sacrées où ils avaient élu domicile, sa pirogue chavirait et il trouvait infailliblement la mort. Notre qualité de Tangani, c'est-à-dire de blanc, ne pouvait naturellement pas nous préserver de ce triste destin. Bien au contraire, il n'y avait pas de plus mauvais passeport pour un pareil voyage que la couleur de notre épiderme. Ces récits étranges que nous avions pris d'abord pour des conceptions purement imaginaires nous avaient été répétés jusque dans les villages qui bordent le Ngumo, rivière par laquelle le lac Jonanga se déverse dans le Gowai. Il n'y avait pas à en douter, l'Eliba était décidément un pays intéressant et méritait à tous égards notre visite. Nous eûmes bientôt franchi le Ngumo, joli cours d'eau qui n'a pas plus de 2 kilomètres de longueur, et nous nous hâtâmes de gagner l'île d'Azingibuiri, où nous devions passer la nuit et d'où nous pûmes assez bien nous rendre compte de la conformation du lac. Découpé de 1000 façons, il échappe à toute description. Au fond des anfractuosités, des torrents nombreux lui apportent les eaux des hauteurs environnantes, mais il ne reçoit pas une seule rivière importante. Sa profondeur varie de 4 à 6 mètres dans la saison sèche. Ses eaux ont une transparence parfaite, tandis que l'Ogowai a partout une teinte rougeâtre singulière. À l'est, les terres s'élèvent rapidement, forment des replis étagés, et aboutissent enfin au mont Achoukolos qui ferme l'horizon et à travers lesquels l'Ogowai se fraye un passage. Une magnifique végétation couvre ses rives. Les obas y acquièrent une grande beauté. La liane à caoutchouc y est abondante. Le palmier à huile est plus rare. Les plages sont couvertes de graminées. Sur le bord de l'eau, une jolie émeraude étale ses fleurs blanches. Mais on n'y voit pas un jonc, pas une seule de ces plantes des eaux stagnantes qui décèlent la nature vaseuse du sol et trahissent à première vue l'insalubrité d'un pays. Le territoire du lac Jonanga est donc, je le crois, un pays sain. La population très disséminée est de race galloise. Plus loin, derrière les monts Achoukolos, ce sont les Achira, dont nous n'avons vu que 2 représentants. Leur crâne étroit et fuyant, leur face massive et proéminente, leur assigne un rang inférieur dans l'échelle intellectuelle. Ils paraissent cependant industrieux et fabriquent la plupart de ces nattes fines et souples connues dans le commerce sous le nom de nattes de Loango ou de Loanda. Comme les Paouins, ils ont les dents limées et pointues. Sur les versants boisés des monts Achoukolos habitent les Bakalaï que nous avons déjà vus au Gabon, race guerrière, qui exploitent les Achira au profit des négriers et n'épargnent les riverains du fleuve que parce que ceux-ci leur servent d'intermédiaires avec les traitants de la côte. 2 villages seulement du lac Jonanga leur appartiennent. Celui d'Azingibuiri, où nous venions d'arriver, est gallois. Nous y fûmes accueillis avec cordialité. Le roi avait mis pour nous faire honneur ses plus beaux ornements, un pagne de cotonnade d'une propreté douteuse, et un chapeau blanc d'origine européenne, qui semblait avoir payé par de longs services antérieurs l'honneur de couronner une tête royale. Le lendemain, nous prîmes enfin la route de ces fameuses îles fétiches, dont on ne cessait de nous entretenir, ou plutôt de l'île d'Arumbe qui est seule habitée. Gardienne naturelle des lieux saints de la religion galloise, elle doit à ce voisinage un privilège spécial. Elle forme des féticheurs pour les autres villages, et son roi est lui-même un chef religieux important. Nous fûmes accueillis sur la plage par une 10aine d'enfants à la figure intelligente vouée au culte des fétiches et vêtus à ce titre d'un costume assez bizarre. La pièce principale est un pagne bakalaï, retenu sur les hanches par une ceinture de perles blanches et ornée d'arabesques, les unes de perles, les autres faites avec une sorte de chenille rouge. À son bord sinueux et festonné pendent des grappes de perles bleues et des sonnettes. Des colliers de rose perles de toutes couleurs pendus au cou ou passés en sautoir. Des bracelets en chenille rouge aux bras et aux jambes. Des anneaux de cuivre jaune aux poignets et aux chevilles complètent ce costume original. Les petits féticheurs le gardent jusque vers l'âge de 17 ou 18 ans, époque à laquelle ils sont initiés aux secrets de la religion. Ils voient le fétiche, selon l'expression reçue. Jusque-là, le célibat est pour eux de rigueur. Une fois initiés, ils deviennent féticheurs en titre et rentrent dans la vie commune. Accompagnés de ces lévites d'un nouveau genre, nous montâmes au village d'Arumbe, où nous attendîmes que le roi voulût bien nous honorer de sa visite. Il lui fallut un certain temps pour revêtir son habit de cérémonie qui méritait en effet des égards. C'était un uniforme ayant appartenu je ne sais à quelle armée, orné d'épaulettes de laine jaune à graines d'épinards, de galons de caporal, et de boutons portant en relief 3 canons superposés avec cette devise « Ubique ». partout. Jamais devise fut-elle mieux justifiée. Et qui sait par quelle péripétie a passé cet habit de caporal avant de venir au fond de ce lac inconnu servir de vêtement d'apparat à un vieux roi nègre. Si l'habit pouvait passer pour riche, le reste du costume donnait hélas une médiocre idée de la fortune de ce roi pontife et de la ferveur des fidèles du pays. Yondo Goviro, ainsi se nomme ce bizarre personnage, n'est pas à vrai dire le grand chef de la religion. Celui à qui appartient cette autorité, dont il est difficile d'apprécier la valeur, habite un village de Logowai et paraît rarement à Arumbe. Tous deux appartiennent à des familles sacerdotales. Pour ne pas déroger à sa noble origine, Yondo Goviro s'est marié à une cousine du féticheur suprême, qui lui-même a épousé plus tard Ngowa, fille de son nouveau cousin. Ces deux dames, alors présentes à Arumbe, nous offrirent des types parfaits des coiffures adoptées dans le pays et qui diffèrent assez de celles des Gabonaises pour que j'aie tâché de les reproduire par le crayon. De la case où nous reçut le roi, nous jouissions d'un spectacle assez curieux. Un bouquet de bananiers planté au milieu du village a été adopté par un petit oiseau qui a élu domicile et fait son nid aux dépens de la plante elle-même. On sait que la feuille du bananier est une longue arête bordée de chaque côté de fibres nombreuses dont la juxtaposition constitue la partie plane, le limbe de la feuille. C'est une immense plume dont les barbes sont agglutinées. L'oiseau isole ses fibres une à une sans les détacher de l'arête, puis il les tresse et les feutre. Chaque feuille ainsi déchiquetée fournit les matériaux d'une dizaine de nids qui restent suspendus à la nervure médiane. Rien de plus gracieux que cette république ailée qui semble prendre à cœur de payer par une gaieté bruyante l'hospitalité du village. Accompagnés de Yondo Goviro et de la reine Agueille, nous allâmes dans l'après-midi voir les îles sacrées, et je me hâte de le dire, malgré de sinistres prédictions, ce fut une promenade aussi agréable que peut l'être une course en pirogue sous l'équateur et par une température de 39 degrés 5 dixièmes. Qu'on se figure deux îlots, ou plutôt deux énormes bouquets de verdure, se mirant dans une eau d'une limpidité parfaite, et littéralement couverts d'une nuée d'oiseaux de toutes formes et de toutes couleurs, qui se livraient à leurs ébats dans la plus profonde sécurité. De grands ibis à masque rouge perchés sur des pointes de rochers nous regardaient passer à quelques mètres d'eux et se dressant de toute la hauteur de leurs longues pattes, agitaient leurs ailes roses bordées d'un beau liseré noir. Au-dessus de nos têtes, une sorte de vautour d'un blanc jaunâtre, de grands oiseaux noirs de haut vol, des martins pêcheurs, s'agitaient dans l'air. Plus calmes de leur nature, une foule de pélicans ont établi leur domicile sur quelques grands arbres qui pêchèrent l'honneur de les loger. Dépouillés de leurs feuilles, brûlés par le guano dont ils sont couverts, ils ne verdiront plus. Ce ne sont que d'énormes perchoirs, d'où les pélicans regardent passer l'eau, la tête à moitié cachée dans la plume et le jabot pendant sur la poitrine. Il n'est guère probable que ces îles sacrées doivent à de si paisibles habitants leur sombre réputation. Avec eux, en eux peut-être, habitent donc des génies mystérieux. Notre guide gallois était resté prudemment à Arumbe. Nos Laptos eux-mêmes, malgré leur titre de Mahométan dont ils étaient si fiers, avaient cru devoir nous faire de sages observations. Mais Yondo Goviro, le grand féticheur, était là pour conjurer la colère des génies. Ce fut une chose singulière que de voir ce petit vieillard avec son habit de canonnier trop haut de col, trop court de manches, se lever dans la pirogue et tendre ses bras suppliants vers les pélicans, l'oiseau le mieux fait assurément, pour recevoir avec la gravité qui convient ce religieux hommage. D'une main, il agita la longue sonnette emblème de son autorité sacerdotale. De l'autre, il émietta dans le lac une galette de biscuits, puis l'adressa au génie cette invocation. « Voilà les blancs qui viennent vous voir. Ne les rendez pas malades. Ils vous apportent des cadeaux de biscuits et d'alougou. Faites qu'ils ne meurent pas et qu'ils arrivent bien pourtant au Gabon. » La prière était naïve et paraissait sincère, mais elle ne fut exaucée que pour moi. Et M. Serval, moins favorisé des dieux de cet Olympe, s'en revint avec la fièvre. Les cadeaux annoncés avaient été pourtant libéralement donnés. Après la distribution des miettes de biscuits, Yondo Goviro se remplit la bouche d'alougou, c'est ainsi qu'on nomme l'eau-de-vie de traite, et le jeta au vent par un mouvement d'aspersion dangereux pour ses voisins. Il ne fit pas d'ailleurs cette opération sans ingurgiter pour son propre compte une partie de l'offrande. Il prélevait la dîme. À plusieurs reprises, la cérémonie fut renouvelée, prière, sacrifice et dégustation. Assise devant son royal époux, Aguey fumait sa pipe. Nous n'insistâmes pas pour descendre dans ces petites îles, privilège qui n'appartient qu'aux grands féticheurs. Après en avoir fait le tour, nous allâmes à l'entrée d'un lac qui fait communiquer le fond du Jonanga avec un lac plus petit d'Eliva Bizanga. C'est près de l'entrée de ce canal qu'ont lieu les apparitions dont on nous avait tant parlé. Nous ne nous attendions pas à en jouir, elles n'ont lieu que dans la saison des pluies. Mais nous espérions que l'inspection des lieux pourrait peut-être nous donner la clé de ce phénomène, à la réalité duquel il nous fallait bien ajouter quelquefois, puisque tant de gens nous en avaient parlé sans se tromper sur l'époque ni sur le lieu, sans varier dans les détails. Voici en quoi il consiste. Pendant la saison des pluies, si l'on se place peu de temps après le lever du soleil devant l'entrée du canal, les yeux tournés vers l'ouest, on voit dans les nuages des formes blanches dans lesquelles les gens du pays qui ont été jusqu'à la mer prétendent reconnaître les navires qui passent au cap Lopez. Ils affirment les voir manœuvrer, serrer les voiles, tirer le canon, puis tout à coup disparaître. Sans admettre tous ces détails, ne peut-on pas pourtant supposer que le fait a un fond de vérité et qu'il se passe là, malgré la distance, quelque puissant effet de mirage? Pour l'expliquer, il faudra admettre qu'au moment de l'apparition, les couches d'air en contact avec le sol sont plus froides et, par conséquent, plus denses que les couches supérieures, ce qui doit arriver en effet le matin, quand la terre est détrempée par les pluies torrentielles qui tombent pendant les nuits d'hivernage. Dans ces conditions, les rayons partis d'un navire et destinés à se perdre dans l'espace seraient abaissés successivement par la réfraction, décriraient une courbe embrassant dans sa concavité les terres élevées qui séparent le lac de la mer, et aboutiraient en définitive à l'œil de l'observateur. Celui-ci verrait donc, sur le prolongement de ces rayons déviés, des navires qui, par leur position et leur éloignement, échappent à sa vue normale. Quant à la courte durée de ces apparitions, elle n'aurait rien qui pût étonner. L'ardeur du soleil équatorial, brûlant dès son lever, échauffe promptement les couches d'air inférieures, rétablit l'équilibre de densité et égalise les pouvoirs réfringents. Alors les rayons déviés se redressent et la vision disparaît. Quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse ou non d'un mirage véritable, il y a certainement là un phénomène physique qui a frappé les gens du pays d'un respect superstitieux et qu'il serait intéressant de vérifier. Après cette rapide et curieuse excursion, nous ramenâmes à Rumbe notre grand féticheur et sa royale épouse.